À M de F. Abjurant ma douce paresse, j'alloie voyager avec toi. Mais mon cœur reprend sa faiblesse. Adieu, tu partiras sans moi. Les baisers de ma jeune amante ont dérangé tous mes projets. Ses yeux sont plus beaux que jamais. Sa douleur la rend plus touchante. Elle me serre entre ses bras. Des dieux implorent la puissance, pleurent déjà mon inconstance. Gémis et ne m'écoute pas. Viens, dit-elle, un autre rivage nous attend au déclin du jour. Nous ferons ensemble un voyage, mais c'est au temple de l'amour.